Je dresse la bête au-dessus des hommes, comme un maître invisible. Quand je prends ma pleine forme, la chair oublie qu'elle fut humaine.